S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. De professeur, il n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les signes d'une révolution par le haut dans l'Empire ottoman au tournant des années 1830, s'interroge l'historien Ethem Eldem. A-t-on affaire à une modernité un peu bancale ? Comment le sultan Mahmoud II bouscule-t-il les codes ottomans, fait-il étalage d'images ? Ethem Eldem se partage entre Paris et Istanbul où il est professeur à l'université anglophone de Boğaziçi. Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France pour 5 ans, l'historien turc nous entraîne dans une grande série sur plusieurs années intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Depuis la semaine passée, il s'attache à l'ère des réformes entre 1820 et 1830. Après le massacre des Janissaires, ce corps d'élite de l'armée ottomane, après cette purge dans la société turque, Mahmoud II s'est lancé dans une série de transformations qui ont militarisé Istanbul et l'État ottoman. C'est le règlement de la nouvelle armée, en juillet 1826, puis le premier voyage en bateau-vapeur en 1827, la réforme de l'uniforme et du costume en mars 1829, présentée dans le cours précédent, le développement des médailles et des décorations en 1831, et enfin, comme nous allons le découvrir aujourd'hui, toute une politique de l'image autour de l'usage du portrait officiel du sultan, de la première remise du portrait impérial en 1832 au portrait accroché à la sublime porte en 1836, tout un symbole. Ce sont aussi les tentatives pour échapper à la saisie au système des confiscations. Cela posé, jusqu'où peut pénétrer cet esprit réformateur dans l'État et la société ottomane? Dans sa leçon inaugurale, Ethem Eldem notait, et je le cite, « La rébellion grecque des années 1820, suivie de la crise égyptienne des années 1830, porta le coup de grâce à l'illusion du maintien des structures de l'Empire, à l'aide de quelques réajustements et d'une simple réorientation de sa politique sur la scène internationale. Dans le cas grec, la manière dont un soulèvement avait acquis les proportions d'une guerre d'indépendance, et surtout la capacité des puissances européennes et de leur opinion publique à peser sur le destin de l'Empire et de ses territoires, amenèrent les élites ottomanes à prendre la mesure de leur faiblesse face à des phénomènes d'une nature tout à fait nouvelle. De même, la fulgurante montée en puissance de l'Égypte, au point de mettre en péril l'existence même de l'Empire, donnait à réfléchir sur la fragilité de l'édifice impérial face à une province vassale dont la modernisation et l'intégration avec l'Europe semblaient la préparer à supplanter son État suzerain dans la reconfiguration politique de la région. S'il est vrai, notait encore Ethem Eldem, que ce danger fut écarté grâce à une intervention franco-britannique et que l'Égypte fut en fin de compte vouée à une destinée quasi-coloniale, la course vers l'occidentalisation dans laquelle s'engagèrent Le Caire et Istanbul pendant les décennies à venir reste un sujet qui mériterait une étude approfondie. Alors à quelle sorte de modernité avons-nous affaire à la fin du règne de Mahmoud II ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France les 8 et 15 février 2019 pour le cours d'Ethem Eldem, aujourd'hui, images, symboles, réformes, vers les bases d'un État moderne. Enfin, les médailles et les décorations, ça aussi, vous vous souviendrez que j'avais évoqué sous Selim III l'apparition pour la première fois de médailles et de décorations, mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que ça avait été créé uniquement pour satisfaire les ambitions et l'attente des Britanniques qui avaient soutenu l'effort militaire ottoman lors de l'expédition d'Égypte, pendant l'occupation de l'Égypte par Bonaparte. Et par conséquent, ces médailles et cet ordre du croissant, comme on l'appelait, n'était en fait octroyé qu'à des étrangers. Et les Ottomans ont utilisé ça, Mahmoud lui-même, jusque dans les années 1820, en distribuant, parce que ce qui plaisait bien sûr aux étrangers, c'est que toutes ces médailles, notamment les plus élevées, étaient incrustées de pierres précieuses, donc on était ravis d'en recevoir et d'aller vendre les pierres ensuite chez le joaillier du coin. Mais les Ottomans, non. Et ce que Mahmoud va faire, c'est qu'il va utiliser cette symbolique moderne pour un usage domestique. Et pour cela, il va utiliser un monument, un bâtiment qui lui-même va être très profondément chargé d'une symbolique liée à la destruction des janissaires. Je veux parler de la mosquée de Nusretiyeh qui se trouve à Toprané, je vous en montrerai une image. Et on voit bien dans le rapport d'ambassade du 22 juin que cette mosquée qui avait été construite récemment et qui avait été appelée Adliyeh, c'est-à-dire juste, la juste, parce que Mahmoud, son sobriquet est de Adli, donc c'était une référence à lui, c'était une manière d'appeler la mosquée de son nom, il va la renommer Fethi Sultan Mahmoud. On n'a jamais vu ça dans les sources ottomanes, mais ça ne m'étonne pas puisque fétiche, c'est-à-dire la conquête religieuse, est quelque chose qui va tout à fait dans le sens de cette rhétorique extrêmement islamiste de la djihad, etc., à l'encontre des janissaires. Petit détail, on voit comment les rapports d'ambassade finissent dans la presse. Dans la presse, le journal des débats politiques et littéraires, ce qui veut dire que le Quai d'Orsay est en train de nourrir la presse à travers ses rapports diplomatiques qu'il reçoit. Alors voici cette mosquée, et cette mosquée va être consacrée doublement avec la création de la première médaille ottomane à l'intention des Ottomans, la médaille dite de la Jami'e Musrette, c'est-à-dire la mosquée de la victoire. Donc une référence, encore une fois, à ce combat, à cette campagne menée contre les janissaires. Vous y voyez là la toura du sultan avec son sobriquet Adli inscrit là, et là Nishan Iftihar, l'ordre du mérite, l'ordre de la gloire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens des médailles militaires que l'on connaît en Europe à cette époque-là, qui débute vraiment en Europe aussi. Au 18e à peine, on a déjà les ordres, mais les médailles, c'est beaucoup plus rare. Donc le 19e siècle est un siècle très militarisé, où ce genre de symboles sont importants. Et elle a apparemment un tel succès qu'on la trouve assez facilement sur le marché, mais surtout j'ai trouvé une pierre tombale, encore une fois ma nécrophilie me fait découvrir, et ça, voilà ce que j'appelle l'anthropomorphisme un peu distordu des Ottomans, le fait que la stèle, pour accueillir un texte de plus en plus important, commence à prendre des formes un peu rondelettes. Et au sommet, vous avez un cou, et sur le cou, vous devriez avoir le couvre-chef. Malheureusement, il a été cassé. Mais ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que le détail, là, vous montre quelque chose qui est encore anthropomorphique, c'est-à-dire que on a reproduit en pendant au cou de l'individu la médaille qu'il avait apparemment reçue, ce qui est vraiment un tournant décisif dans l'usage, dans l'utilisation de ces symboles par les Ottomans, puisque maintenant ce sont des Ottomans, pur sang si vous voulez, qui commencent à recevoir et à apprécier ces symboles. Encore une fois, une sorte de militarisation, de standardisation et de contrôle par le haut des classes dirigeantes. Et plus encore, pour vraiment signifier son plaisir et son appréciation de quelqu'un, le sultan donnera quelque chose qui est appelé le portrait impérial ou le tasvir humayun. Tasvir, c'est l'image, c'est la reproduction, c'est le portrait. Humayun, c'est impérial. Et il s'agit en fait d'un petit bijou. Encore une fois, la tradition ottomane, on entoure ça de pierreries, de brillants, de diamants, etc. Et au milieu, vous avez le sultan qui lui-même porte une de ses décorations, bien sûr l'une des plus riches, et arbore le magnifique fez rouge et est représenté en costume, c'est-à-dire en uniforme, avec les boutons dorés, des épaulettes, je ne suis pas sûr, mais en tout cas un col extrêmement décoré qui fait penser à la magistrature d'aujourd'hui. Bon, c'est un objet de grande valeur, mais c'est un objet surtout qui secoue, puisque c'est une image. C'est une image de l'individu, c'est une représentation d'un individu, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la tradition islamique, disons. Il ne faut pas non plus croire que les Ottomans sont complètement iconoclastes et qu'ils n'utilisent jamais les représentations. On a assez de peintures ottomanes, de miniatures, comme on les appelle, pour prouver le contraire, mais c'est vrai qu'ils en usent avec parcimonie. Ce n'est pas comme en Iran, par exemple, où les Qadjars, déjà, mais avant les Safavides ont une tradition de l'image qui est très forte, avec des panneaux, des fresques, des tableaux, et ce jusqu'à l'usage qu'ils feront de la photographie, qui sera toujours beaucoup plus sophistiquée que celle des Ottomans. Donc les Ottomans n'utilisent pas en public l'image, les références, les albums de miniatures sont en général pour une consultation privée au palais, entre amis, etc. Donc on ne snobe pas l'image, mais on n'en fait pas étalage. Et tandis que là, il s'agit de quelque chose que l'on offre à des dignitaires. Alors là, vous en voyez un, Sadegh Refaat Pacha, avec au cou une version de l'ordre de la gloire ou je ne sais quoi, et là, en médaillon, une version ovale du Tasvir Humayun, du portrait impérial. C'est vraiment le nec plus ultra, quelque chose que l'on donne aux têtes couronnées d'Europe et aux plus méritants des dignitaires de l'Empire. Et c'est donc une représentation du sultan, et ça, dès 1832. Et vous trouverez beaucoup d'images, y compris celle du fameux Mustafa Reshid Pacha, que l'on voit là, n'est-ce pas, dans son costume étriqué qui est censé le faire ressembler à un singe de Noël en tout cas, si l'on en juge par les décorations, puisqu'il y en a un peu partout, et vous reconnaîtrez probablement ici la plaque de la Grand Croix de la Légion d'honneur. Donc, il commence à pratiquer aussi l'échange des décorations, ce qui est un premier pas vers une diplomatie extrêmement participante, extrêmement active, extrêmement présente dans les rituels internationaux. Cet individu, malheureusement, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, vous voyez dans les deux cas que le costume est un costume extrêmement riche, un costume sobre dans sa conception, c'est-à-dire que c'est un uniforme militaire, mais que l'on arrive à enrichir par l'apport de toutes sortes d'épaulettes en or, de décorations, de broderies, de Brandenburg, de tout ce qu'on veut, qui signifie le statut. Donc, encore une fois, s'il a évoqué la sobriété comme un des objectifs de cette réforme, il est clair, comme c'est toujours le cas, que ce qui part d'une idée de sobriété finit par trouver sa propre rhétorique de la distinction et de la hiérarchie pour s'adapter à des besoins qui sont profondément ancrés dans la société. Mais ce petit portrait, donc en 32, le petit portrait portable, et là, on sent bien qu'il a vraiment voulu provoquer, puisque le premier à recevoir le portrait impérial a été le Cheikhul Islam, c'est-à-dire la tête du clergé. Donc c'était vraiment le fouet dans l'œil, si vous voulez, du parti musulman, du parti islamique conservateur, en obligeant ce digne représentant de l'islam dans l'État ottoman a accepté et a arboré le portrait du sultan, cette espèce de camée qui devait lui pendre au cou. Mais au-delà de cela, ce que Mahmoud va faire de vraiment révolutionnaire, et là, ça va au-delà de ce compromis entre le public et le privé que sont les décorations, il va faire accrocher son portrait en majesté, dans des édifices publics, notamment dans des casernes et à la Sublime Porte. C'est-à-dire, c'est un peu la tradition très monarchique occidentale d'avoir un portrait du souverain dans les lieux qui revendiquent une appartenance à l'État. Sélimiyah, la grande caserne, l'énorme caserne sur la rive asiatique, ensuite la caserne de Taksim et enfin la Sublime Porte, c'est-à-dire les bureaux du grand vizirat vont se voir dans les semaines qui suivent, donc la fin du mois de juillet 36, vont se voir décoré du portrait impérial. Alors, quel est-il, ce portrait ? Le voici. C'est le seul qu'on connaisse, parce que la plupart de ces portraits, après la mort de Mahmoud, vont être décrochés et retirés du regard du public, puisqu'ils sont très mal reçus. C'est une des raisons, parmi tant d'autres, que Mahmoud sera appelé par le petit peuple, et ça, on le sait, « Giavur Paradishah ». Le sultan Giavour, le sultan infidèle. le sultan chrétien, en quelque sorte, celui qui a bravé tous les interdits de l'islam, qui a provoqué tous les interdits de l'islam et qui est allé jusqu'à se faire représenter dans des espaces publics en majesté, bravant ainsi les interdits coraniques. Et ce portrait, il est assez classique dans sa rhétorique très occidentale, puisqu'on reconnaît les draperies, derrière une sorte de silhouette de la ville, une table avec de nouveau une draperie en velours par-dessus, le sultan dans un riche uniforme moderne, avec un geste qui est quand même assez parlant. Il commande, il montre le chemin. Enfin, il y a toutes sortes d'interprétations possibles. Et il tient, en plus, bien visible pour le lecteur, même si c'est un gribouillis infâme, parce qu'on ne sait pas, c'est un peintre occidental, donc il ne sait pas reproduire l'écriture arabe. Mais on reconnaît quand même son chiffre, ça, tout là. C'est un décret. Alors, quel décret? C'est un décret qui institue telle ou telle chose. Mais enfin, c'est la voix du sultan. C'est l'écrit du sultan, c'est le sultan qui commande et par le geste et par l'écrit. Et une jeune historienne de l'art américaine, Ali Tandrup, a récemment publié un petit article où elle pense avoir trouvé une inspiration possible pour ce tableau, qui est un tableau de Napoléon où, vous voyez, cette pose est tellement, entre guillemets, universelle qu'on ne peut pas savoir si vraiment... Mais c'est une possibilité, puisqu'il y a encore la même grammaire, si vous voulez, d'avoir... dans son cas, ce sont des plans, puisqu'il est en train de rénover Bruxelles. Donc, ce qu'on voit derrière la fenêtre, c'est la ville de Bruxelles, etc. Mais il est possible. Alors ça, encore une fois, je pense que quand on parle d'histoire de l'art et qu'on fait des comparaisons, qu'on essaye de lier des objets entre eux, il faut un peu plus qu'une simple ressemblance pour vraiment affirmer avec quelque certitude cette parenté. Mais il est possible qu'on trouve un jour, par exemple, une missive d'un ambassadeur ottoman à Bruxelles qui aurait vu ce tableau ou qu'il aurait vu je ne sais où et qui en aurait envoyé copie à Mahmoud. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est un tableau de majesté à l'occidental. Et voici plus tard, Schlesinger fera un portrait, encore une fois, en majesté de Mahmoud, qui rappelle énormément les tableaux de ses contemporains. Je pense notamment à Louis-Philippe, encore une fois, exactement la même chose, une colonne, une draperie, un petit décor, un paysage dans le fond, un tapis occidental, hein, s'il vous plaît, etc. Ce qui est amusant, c'est de voir la différence entre deux autres contemporains, donc Mahmoud et Othon, le roi de Grèce, qui, lui, s'orientalisera, le pauvre bavarois qui se retrouve sur le trône de Grèce, il va devoir s'inventer une identité grecque. Et pour cela, il va utiliser, en gros, le peintre va utiliser, encore une fois, la même structure grammaticale, disons, colonne, etc. Mais là, il sera vêtu en Efzon avec la fustanelle, etc., pour bien signifier le fait qu'il est peut-être bavarois, mais surtout grec. Et je pense qu'il y a quand même une certaine ironie à voir ces deux souverains contemporains, l'un oriental, entre guillemets, imitant l'Occident, l'autre occidental et imitant l'Orient. Je crois que ça en dit long sur l'air du temps et l'importance qu'avaient justement ces représentations aux yeux du public. Je terminerai avec un rapport de 1833, encore une fois de Bois-le-Comte, sur une fête qui eut lieu le 5 octobre 1833 au palais de Carataranet, au fond de la Corne d'Or. C'est un lieu qui est bien connu au XVIIIe siècle pour les plaisirs, alors l'escarpolette version ottomane. C'est une représentation des années 1790, des amusements à la campagne. C'est un lieu qu'on appelle en turc de Mesire. Mesire, c'est la campagne, c'est le parc, c'est le fait d'aller au vert, en quelque sorte, et de s'amuser. C'est quelque chose que les femmes pratiquent énormément, en général avec une certaine séparation entre les uns et les autres. Les bassins font partie, justement, de ces éléments architecturaux qui ont été entre guillemets, importé d'Occident par Yilmisekis Mehmet Çelebi en 1720. Il est revenu avec sous le bras plein d'ouvrages d'architecture sur Versailles, sur Marly, etc. Et voilà le palais. Alors le palais, on le voit, voici une représentation occidentale de la même scène, en quelque sorte, avec de nouveau les eaux douces, c'est ce qu'on appelle en français les eaux douces d'Europe. Les Ottomans n'ont jamais utilisé ce terme, c'est pas les tartes soulages, etc., ça ne se dit pas. Mais voilà donc Karatane. Alors ce que ce rapport a de particulier, c'est que tout d'abord, il est excessivement amusant. Et on a bien le droit de s'amuser de temps en temps. Il est très vivant. Encore une fois, c'est un de ces documents que je savoure particulièrement parce qu'il est plein de petits détails qui sont fascinants, mais avec un comique, une ironie que je trouve particulièrement intéressante. Alors, le début est assez classique. On arrive, on s'installe. Vous avez la liste de tous les pachas et de tous les envoyés qui sont là. Petit détail intéressant, il insiste sur le fait que les petites ambassades, les petites puissances n'ont pas été invitées, c'est-à-dire l'Espagne, les États-Unis, la Hollande, etc. Et il l'explique de la manière suivante. Il dit que ce sont les seules ambassades auxquelles ils peuvent encore appliquer le dédain qui les caractérisait à l'époque. Vous vous souviendrez que j'avais parlé l'année dernière de cette hospitalité empoisonnée des Ottomans, c'est-à-dire que on les traite mal, mais on les invite quand même. Et ça fait partie du rituel ottoman de se poser en puissance et de ridiculiser en quelque sorte les autres. Et on voit bien que en 33, il n'est plus possible de faire ça aux grandes puissances, aux Anglais, aux Français, aux Russes, aux Prussiens, mais on le fait aux petits, ce qui fait que les petits ne sont pas invités. Et ensuite, vous avez le plan de réception. Et là aussi, je vous rappelle cette image que j'avais utilisée de l'année dernière, où l'on voyait la réception d'un ambassadeur. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais insisté sur le fait que les bancs, les escabeaux en face de ces deux ottomans enturbanés étaient vides parce que c'était des kazaskej faisant partie de l'ouléma et qui ne voulaient pas être souillés par la vue d'infidèles en face d'eux. Mais sinon, ce qui est surprenant, c'est que vous avez une sorte de combinaison des deux. Vous avez le même plan pour la réception, avec le grand vizir au milieu, les dignitaires à droite, les ambassadeurs à gauche. Mais vous allez le voir, la description de l'événement est très différente. D'abord, le sultan fait son apparition. Il invite les membres du corps diplomatique à venir le voir. Nous arrivâmes et le trouvâmes au fond d'une grande salle carrée et sans ornement. Il était assis dans un fauteuil, il ne se leva pas, ne fit aucune inclinaison, mais regarda, c'est son salut. Alors là, on voit quand même que le fond est toujours là, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'amuser, du moins pas tout de suite, à converser avec les invités. Il se retire dans un état de majesté, il en impose par son silence, et le simple fait qu'il vous regarde est déjà un compliment qui vaut tous les sourires et tous les salamalecs du monde. Nous nous rangeâmes dans la salle, restant tous debout. Le sultan tira de dessous son manteau un papier écrit de sa main et le donna à l'interprète Logothétis, grec bien sûr, l'interprète de la porte. Celui-ci le lut d'une voix tremblante, alors ça est troublé, j'imagine que, oui, la moindre fausse note, on s'inquiète. Et sa hôtesse exprimait le plaisir qu'elle avait de voir les représentants des puissances de l'Europe réunis autour d'elle. Donc, un certain relâchement l'ancien rituel où le sultan était tout seul sur son trône, à distance, dans la salle d'audience, et n'adressait absolument pas la parole, il ne regardait même pas les gens autour de lui. Là, on est presque à une sorte de situation de cocktail, de réception, même si il reste quand même très silencieux. Alors, il y a le problème de la langue, une petite anecdote qui me plaît particulièrement. Lord Ponsonby, l'anglais, l'ambassadeur britannique, éprouva personnellement l'inconvénient de cet obstacle des langues. Le sultan voulait lui faire compliment. L'interprète chargé de le rendre s'en acquitta ainsi. Le sultan fait dire à son excellence qu'elle est bien vieille et qu'elle monte bien à cheval. L'ambassadeur eut la faiblesse de s'en montrer mortifié. Bon, on peut bien se faire plaisir de temps en temps, mais je crois que ça fait partie un peu de cette obsession que j'ai d'essayer d'imaginer toujours une dimension cinématographique à ces événements. Ce ne sont pas que des événements. Il y a des hommes, il y a des contacts, et ce genre de document vous le donne. Et ça s'arrange, ça devient de plus en plus intéressant. Le sultan, arrivé sur la hauteur, puisqu'ils sont invités, en fait, à assister au passe-temps favori du sultan, un exercice militaire, et cette fois-ci, un exercice de tir. Il aime beaucoup ses topcheux, ses canonniers, donc il descend de cheval et les pointe lui-même. Un Français, M. Thévenant, révisa le pointage. Chaque pièce tira deux fois. Le but fut atteint par 3 coups. C'était 3 sur 36. Alors bon, pour parler justement de l'efficacité de cette armée, déjà, avec les moyens de l'époque, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux que 3 sur 36 ? Je n'en suis pas vraiment sûr. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même un petit clin d'œil amusant sur le fait que ce sont des arts qui sont encore en train de se développer. Pendant ce temps, les dames, alors il n'y en a pas beaucoup, il y a en fait l'ambassadrice de France et la femme de l'internonce d'Autriche, donc deux femmes, les dames auxquelles nous donnions le bras furent avec nous passer la revue des femmes turques venues en grand nombre assister à ce spectacle. Vous vous souviendrez que Mahmoud avait demandé à ce que les femmes viennent assister aux exercices des goélettes, etc. Ce qu'on avait vu sur l'image de Karatranès, c'est-à-dire ce dimanche à la campagne, devient un dimanche à la campagne militaire, c'est-à-dire qu'on vient admirer ce qui se passe dans l'armée avec la présence du sultan. Étant tout ensemble et sans mélange d'hommes, ces femmes s'étaient mises à leur aise et plusieurs s'étaient découvertes. Alors ça, c'est le fantasme, bien sûr, de tous les observateurs. Ils rêvent de voir des femmes musulmanes dévoilées. Alors la moindre occasion pour eux est excessivement importante. Le dîner était servi à l'européenne. Alors ça, c'est vraiment du nouveau. Le service se faisait avec beaucoup d'ordre et de promptitude. Tous les vins étaient français. Les Turcs en buvaient largement. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Je ne prétends pas connaître tous les documents de la période, mais c'est la première fois que je vois une description aussi détaillée de beuverie à Istanbul. Le grand vizir seul, Raouf Pacha, ne buvait d'abord que de l'eau, et ça c'est très mignon. Quand on lui versait de vin, il n'osait le refuser, mettait sa main devant le verre pour faire semblant de boire et le faisait disparaître, car s'il fut un temps où l'on se fût ici compromis en buvant du vin, ce serait maintenant risquer sa place que de n'en pas boire. Alors là, vraiment, on voit que cette transformation superficielle par le haut, elle est vraiment assez radicale. Tahir Pacha s'aperçut des scrupules, alors ça j'adore, des scrupules et de la ruse du vieux musulman, et se plut à le tourmenter. « Mais pourquoi donc votre excellence ne boit-elle pas » dit-il sournoisement, et lui trouve une sortie magnifique. « Quand on est à côté de madame, » répondit Raouf Pacha en regardant l'ambassadrice de France, « on n'a pas besoin de vin pour s'enivrer. C'est magnifique parce qu'ils apprennent en quelque sorte l'art de la cour. C'est quelque chose qui... la présence des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui va les poursuivre jusqu'à la fin de l'Empire. À la fin de l'Empire, vous avez des dîners officiels où les ottomans, les dignitaires ottomans, le grand vizir, etc., ne sont pas accompagnés, puisque leurs femmes ne peuvent pas participer à un dîner public. Mais en revanche, les ambassadrices y sont. Et par conséquent, ils se servent en quelque sorte des étrangères comme de femmes décorant la table afin d'avoir un service à l'occidental. Le dîner était à peine commencé, qu'on annonça que le sultan venait nous visiter. Au moment où il allait parrainer, l'ambassadeur de France porta son verre à sa santé. Il disait « porter la santé » à cette époque-là. Il se montra aussitôt, alors il n'attendait que ça apparemment, derrière le rideau, le toast. Et tout le monde se leva et tourna le dos à la table. Sa hôtesse en fit le tour. Elle s'arrêta un moment devant l'ambassadeur de France et le remercia d'avoir bu à sa santé. Le grand vizir prit cet instant pour lui présenter madame l'ambassadrice. Le sultan lui fit un salut européen et continua. Et ça continue. Il rencontra quelques pas plus loin le vieux drogman d'Angleterre, Chabert, le seul qui ait conservé le costume oriental. « Comment, lui dit-il, vous n'avez pas encore quitté ce vilain costume ? Voyez-moi, il y a longtemps que je l'ai abandonné. » Sa hôtesse n'adressa la parole à aucun autre des convives. Elle était souriante et très gracieuse. « Il faut en convenir, dit Lord Ponsonby, l'ours est bien déguisé. » En sortant de la salle du festin, le sultan fut dîner de son côté. Il se fit servir 3 espèces de vin de France, mais en but 7 fois avec modération. Bon. C'est un passage que je dédie à mon ami et collègue François Georgeon. Je crois qu'il est dans la salle. Il travaille sur les Ottomans et l'alcool. Et je crois lui avoir fourni quelque chose qui ira bien s'insérer dans son anthologie du vin et des Ottomans. Le dîner reprit, les Turcs buvaient de plus en plus. Le premier médecin de sa hôtesse, surtout, quoique homme de loi, alors c'est un ouléma, et second personnage de l'ouléma, était très animé et sortant de ce ton de réserve qui ne permet aux Turcs de quelque distinction de ne parler qu'à voix basse, il faisait avec de grands éclats conversation avec le Selasker placé de l'autre côté de la table. Donc vraiment, c'est un autre monde. Et la suite aussi, enfin je ne vais pas m'éterniser, mais cette conversation fut interrompue par un trait de courtisan du Selasker, Houssef Pacha, qui avait déjà dans les 85 ans à l'époque, Madame de Sturmer, c'est-à-dire la femme de l'internonce, lui ayant dit qu'elle écrirait en Europe le bonheur qu'elle éprouvait de voir le sultan dès le second jour de son arrivée, le Selasker se leva de table et fut immédiatement le répéter au sultan. Il revint bientôt et annonça à Madame de Sturmer à quel point son maître avait été flatté du compliment. S'adressant alors à Madame l'ambassadrice, il la fit prier de l'employer à faire boire le grand vizir. Ils en sont encore là, le grand vizir n'a toujours pas bu, et son voisin, celui-ci ne se prêta qu'à boire un peu de vin blanc, le pauvre. Alors, mais après avoir répondu au toast de l'ambassadeur par celui de toutes les puissances, il se leva et porta le verre, mais à la santé des dames. Donc, encore une fois, c'est drôle, c'est amusant, mais c'est quand même assez parlant. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'émulation, encore une fois par le haut, on finit par renverser complètement les normes et se convaincre de ce que si l'on commence à boire, on va vraiment changer la face du monde, ce qui est souvent vrai, mais pas dans le sens qu'il le pensait à cette époque-là. Mais enfin, c'était un petit élément, une anecdote, si vous voulez, qui m'a paru intéressante, amusante, divertissante, mais intéressante. Intéressante, pourquoi ? Parce que je crois qu'elle correspond quand même à un des problèmes de la modernité ottomane, voire même de la modernité turque, c'est-à-dire qu'elle se contente souvent de forme plutôt que de contenu. Et que par conséquent, la forme, ce que l'on montre aux autres, notamment aux Occidentaux, parfois excède l'importance que l'on attache au fond du problème et des transformations. Collège de France et France Culture vous présente l'historien Ethem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830, aujourd'hui, image, symbole, réforme, vers les bases d'un État moderne. Donc, in vino modernitas, en quelque sorte, c'est-à-dire que cette conviction qu'il fallait montrer aux Occidentaux, puisque c'était une fête donnée en l'honneur du corps diplomatique, il fallait montrer aux Occidentaux qu'on s'était transformé et que, par conséquent, on arrivait à braver ce qui était considéré comme un des interdits majeurs de la religion musulmane. Et je pense, primo, peut-on faire confiance à ce rapporteur, le comte de Boilcomte, déjà avec un nom comme ça, bon, mais le comte de Boilcomte, il n'avait aucune raison d'exagérer ou de mentir. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Et deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose qui était courant ? Je pense que Mahmoud et ses acolytes, ses grands dignitaires, buvaient allègrement, mais ça n'a rien d'exceptionnel, puisque les Ottomans buvaient depuis le début. Nous connaissons assez les histoires de beuveries, parfois mortelles d'ailleurs, certains sultans. Selim II, après tout, a glissé sur le marbre après s'être saoulé au vin de Chypre, qui était un vin très très doux, très mielleux, donc qui vous monte facilement à la tête, et donc il est mort, si vous voulez, d'une indigestion de vin. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qu'il y avait d'extraordinaire ici, c'est que on étalait, on faisait un étalage de cette nouvelle prise de position, et ça, on le faisait pour épater les Occidentaux. Et que, par conséquent, si cette fête s'était tenue entre Ottomans, avec un public tout autre, disons des dignitaires ou la cour de l'époque, il est probable que le vin n'eût pas vraiment eu la même importance dans cet événement. Et c'est ce que j'appelle le côté un peu m'as-tu vu, si vous voulez, et superficiel de la modernité. Et pour cela, je vais, puisque je les aime, vous raconter une petite histoire, une anecdote. Et encore une fois, anecdote ne veut pas dire que l'histoire est fausse. C'est un petit événement isolé qui concerne la Turquie des années 1930, donc 100 ans après la fête de Karatane qui avait eu lieu en 1833, et qui concerne Mustafa Kemal, pas encore Atatürk, puisqu'il a été Atatürk après 34, après la loi des noms de famille. Et je rassure les kémalistes, je ne vais pas parler du penchant du grand homme pour telle ou telle boisson. C'est un contexte tout à fait différent, mais vous allez voir, la logique est la même. Et c'est une histoire que je tiens d'une personne qui assistait à cette scène, en fait, en tête-à-tête avec le Gazi, comme on l'appelait à l'époque. Et il s'agit de la fille d'un des premiers ministres de l'époque, Mehdi Okyaj, qui m'avait raconté que, alors qu'elle était seule chez son père, donc son père absent, arrive tout d'un coup Mustafa Kemal. Bien sûr, Mustafa Kemal qui arrive, c'est un peu Sultan Mahmoud qui débarque en plein milieu d'une société. C'est vraiment très, c'est très inquiétant. Ne sachant pas quoi faire, et c'était une femme qui avait reçu une éducation tout à fait occidentale, en Angleterre notamment, donc elle était très, très bien, très chic, très bon genre, elle le fait asseoir au salon, il s'assoit en face d'elle sur le canapé, et tout d'un coup, il s'assied, c'est une manière de s'asseoir à la turque, non pas en tailleur, mais lorsque vous vous asseyez sur un canapé, vous prenez l'une de vos jambes et vous la placez sous l'autre. Donc vous avez une jambe repliée sur le siège. Et apparemment, me dit-elle, j'ai dû le regarder avec d'une telle manière qu'il a dû s'expliquer. Et son explication était la suivante. Je vois que tu es étonné, mais je te jure, ton père, quand il est seul, c'est comme ça qu'il s'assoit. Et je crois que c'est assez parlant, c'est-à-dire que c'est une histoire qui vous dit il y a une manière de se comporter lorsqu'on veut être moderne, et ensuite vous avez le naturel qu'on peut chasser mais qui revient au galop et que l'on va conserver dans son fort privé, dans sa vie privée. Et c'est une manière, encore une fois, non pas d'être tiraillé entre Orient et Occident, je ne suis pas de ceux qui croient à ce tiraillement très orientaliste des gens qui sont pratiquement schizophrènes parce qu'ils sont divisés par ces deux allégeances. Pas du tout. Je crois que c'est une manière de gérer, justement, cette division, en quelque sorte, du monde en deux. Et c'est quelque chose qui vous oblige, en public, à afficher ce que vous considérez être la manière correcte de vous comporter, celle qui montre que vous appartenez à quoi que ce soit que vous vouliez représenter, et puis, lorsque vous vous retirez dans votre famille ou en privé, vous allez vous comporter plus librement, et là, vous allez peut-être reprendre des habitudes que vous décririez en public. Alors, c'est intéressant, encore une fois, je trouve que c'est de la gestion, et par conséquent, ça n'a rien de maladif, mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de superficie, beaucoup de m'as-tu vu, beaucoup de mise en scène, et assez peu d'internalisation, de digestion de ces transformations. Et ça, je crois que c'est un des problèmes de base de la modernité ottomane, ce fait qu'elle est toujours un peu bancale entre ce qu'elle veut donner comme image d'elle-même et ce qu'elle veut bien accepter en matière de transformation lorsqu'il s'agit de revenir à des réflexes plus naturels, entre guillemets. Petite anecdote. Et maintenant, nous allons pouvoir procéder. Et cette fois-ci, je parle des bases d'un État moderne, puisque je voudrais m'interroger, je vous l'avais dit la dernière fois, L'une des questions, c'est de savoir si 1839, le fameux décret des Tanzimat, celui que l'on associe avec les bases de l'État moderne, de la modernisation, mais vraiment plus ou moins systématique de l'Empire, est-ce qu'on peut l'attribuer aux réformes mahmoudiennes, ou alors est-ce qu'il faut vraiment les mettre sur le compte d'une sorte de libération après la mort de Mahmoud, grâce à l'intervention notamment de Mustafa Reshid Pacha, le grand homme d'État, qui est considéré comme l'architecte de cette réforme des Tanzimat. Car il faut savoir que Mahmoud est mort en juillet 1839 et les Tanzimat ont été promulgués le 3 novembre 1839. Donc vous avez un battement de quelques mois et on en discute encore, à mon avis pas assez, de savoir comment les Tanzimat ont vu le jour et s'il y avait plus de ruptures ou de continuité avec ceux qui précédaient. Et cette modernité, quand je dis un État moderne, je ne veux plus m'en tenir à ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire la modernisation par la forme, par l'uniforme, par la transformation de l'armée, par un accroissement de la performance technique, si vous voulez, de l'armée, mais par des choses qui seraient plutôt associées avec ce que l'on entend par un État moderne au XIXe siècle, c'est-à-dire un État de droit. Est-ce que le système de Mahmoud, que l'on a vu quand même sous un jour assez glauque, assez oppressif, répressif, est-ce que ce système comportait quand même des éléments que l'on pourrait associer avec une transformation graduelle de l'État ottoman vers un État de droit moderne ? Encore une fois, ne tombons pas dans l'erreur de considérer que l'Empire ottoman, avant la modernité du XIXe siècle, n'était pas un État de droit. C'était un État de droit à l'ancienne. Vous savez que le système était régi par un système légal, juridique, qui était extrêmement compliqué, puisqu'il y avait trois systèmes, en gros. Il y avait la charia, la loi coranique, qui était censé être le fondement de tout acte juridique. Vous aviez le canon grec, c'est-à-dire la loi sultanienne, celle qui est promulguée par le sultan et qui est censée gérer les aspects de la vie, de l'administration qui ne sont pas pris en compte par la charia et qui, du moins en principe, est requise de se conformer aux préceptes de la charia. Et puis, vous avez la coutume, c'est-à-dire des lois, des traditions juridiques locales qui sont traditionnelles, parfois ancrées dans un passé pré-ottoman, pré-islamique, et qui survivent pour la gestion de la vie de certaines communautés, de certaines régions qui ne sont pas directement sous l'emprise de Constantinople, d'Istanbul. Donc, c'est un système compliqué, avec une interaction entre ces divers registres juridiques, mais ça n'est pas un empire sans loi. Ce n'est pas un empire sans droit. Le mythe du despotisme est quelque chose qui a été créé notamment au XVIIIe siècle et qui caricature un peu trop un système qui, certes, était très traditionnel, qui, certes, avait de la difficulté à gérer tant de variétés, mais qui finissait quand même par proposer à une population extrêmement diverse des formules, des solutions juridiques à pratiquement tous les problèmes. Les capitulations en sont un bon exemple. Les capitulations, telles qu'on les connaît, c'est-à-dire ces traités qui n'en étaient pas vraiment puisqu'ils étaient octroyés par le sultan, mais en fait ils étaient négociés avec les puissances étrangères, ces capitulations, ce sont en fait une version magnifiée, une version amplifiée de quelque chose qui existe dans le droit chari, dans le droit coranique, c'est-à-dire l'aman. Aman, le fait de donner à un individu ou un groupe d'individus une forme de laissez-passer et de protection en terre d'islam. Et là, c'est tout à fait un exemple, justement, de la capacité de l'Empire ottoman à développer un système juridique à partir de quelque chose qui est beaucoup plus ponctuel, les Ottomans ont tout simplement amplifié ce qui était un droit individuel et en ont fait quelque chose qui pouvait être octroyé à un prince et par conséquent pouvait concerner tous les sujets de ce prince, d'où une sorte de traité international. Pourquoi ? Parce que les Ottomans n'avaient pas ce qu'on appelle le droit des gens, jus gentium, le droit international, et que par conséquent, ils devaient bricoler avec ce qu'ils avaient pour s'adapter à la diplomatie, à un contexte international de plus en plus complexe et de plus en plus présent. Donc, ne tombons pas, encore une fois, dans l'erreur de croire que l'Empire ottoman n'était pas un état de droit. Mais en revanche, au XIXe siècle, avec la modernité telle qu'elle se développe en Occident et avec la tendance des Ottomans à émuler, à imiter et à s'inspirer du système occidental, ils seront confrontés à une autre version de l'état de droit, celle qui est plus intimement fondée sur des notions d'égalité, par exemple, et sur des notions concernant les droits des individus à profiter de leur propriété. Et c'est essentiellement sur ces deux thèmes que je vais essayer d'analyser les hauts et les bas des réformes mahmoudiennes pour essayer de voir où on pourrait les placer dans cet éventail des systèmes juridiques, des variantes juridiques entre la variante, disons, traditionnelle ottomane d'une société inégale mais équitable vers une société qui se définit plutôt par l'égalité devant les lois. L'image que je vous propose aujourd'hui est une image assez touchante par une artiste parisienne, Flora Géraldi. C'est une gravure qui représente quatre élèves ottomans à Paris en 1831. C'est ma digression du jour, si vous voulez, et qui concerne justement un aspect très particulier de cette modernisation sous Mahmoud, celle des premières tentatives d'envoyer de jeunes gens en Occident pour les faire former à l'aune de la modernité, des technologies, des savoirs occidentaux. Je la commenterai le moment venu. Alors commençons donc par ce que j'avais évoqué, deux aspects. Je commencerai par le premier, celui du droit à la propriété. C'est une question extrêmement compliquée dans le système ottoman, puisque vous avez, de manière générale, une notion de l'appartenance de tous les biens, et notamment les biens fonciers, à l'Empire, donc au sultan. C'est ce qu'on appelle le statut miri de la propriété, le fait que ça appartient à mir, à l'émir, c'est-à-dire au souverain. Pour ce qui est de la propriété telle qu'on la conçoit en Europe, vous avez mulkiyet, mulk, c'est-à-dire la propriété, notamment pour ce qui est de la propriété foncière, qui est beaucoup plus rare, qui dépend de titres qui sont octroyés par le sultan à des individus et qui, du moins en principe, assure la pérennité de la propriété. Et puis vous avez un système parallèle qui est très souvent utilisé par les Ottomans pour essayer d'échapper à la saisie, musadere, la confiscation ou la saisie. Et c'est ce qu'on appelle le waqf. Waqf en arabe, waqf en turc. Et il s'agit de fondations pieuses. Des fondations pieuses sont en fait des propriétés, souvent foncières mais pas forcément, qui sont attribuées à une certaine mission sociale, généralement à connotation religieuse, et par conséquent, vous bloquez les fonds, vous bloquez cette propriété pour jouir ad vitam aeternam de ses revenus afin de nourrir la fondation que vous avez établie. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des mosquées, des médressés, des institutions qui servent le public. C'est aussi et c'est pourquoi ça nous intéresse dans ce cas, c'est aussi un moyen d'échapper à la saisie, puisque les biens waqf sont insaisissables. Ils sont protégés par la loi Shari, et par conséquent, ils sont fréquemment utilisés par des individus qui veulent perpétuer leurs biens et garantir la survie pendant des générations des revenus qui en accrus. Et ça, c'est quelque chose qui est provoqué, je vous le disais, par cette tendance très nette que l'État a à pratiquer la saisie, la confiscation. Cette confiscation, elle a bien sûr une logique qui s'inscrit dans le système administratif de l'Empire. Vous le savez, nous l'avons vu pour les janissaires, mais pour les dignitaires, le principe de base est que ce sont des kouls, c'est-à-dire des esclaves du sultan. Même s'ils n'ont pas le statut d'esclaves tel qu'on les voit dans les foyers domestiques, etc., même s'ils ne sont pas achetés et vendus, ils ont un statut d'esclave, de kul, K-U-L, ce qui veut dire qu'en gros, leur fortune, leurs biens appartiennent ou reviennent automatiquement à leur maître, et le maître, c'est le sultan. C'est le droit shari, si vous voulez, appliqué à un système qui n'est pas vraiment tout à fait shari, puisque vous ne pouvez pas, normalement, capturer et rendre esclaves des musulmans. Alors que ceux-ci sont musulmans, du moins ils sont convertis à l'islam, et normalement la conversion à l'islam devrait amener la fin d'une relation de servitude. C'est donc une sorte de variation impériale de l'esclavage, mais qui reprend en gros la logique un peu de la loi Shari concernant l'esclavage, puisque un esclave, lorsqu'il meurt, ne lèguera pas sa fortune à qui que ce soit, son maître est le destinataire de sa fortune, de son héritage. Donc, ça revient au maître. Et par conséquent, le système politique a tendance à utiliser très librement la saisie pour, d'une part, remplir les coffres du trésor, mais d'autre part, économiquement parlant, pour faire tourner la machine avec un capital assez réduit. C'est là l'un des mérites, en quelque sorte, de l'administration ottomane, c'est qu'elle sait fonctionner avec des moyens extrêmement limités. Cela, on le voit lorsqu'on visite, par exemple, Istanbul, ou le reste du pays, d'ailleurs, et que l'on remarque à quel point il y a peu de propriétés que l'on pourrait qualifier de demeures palatiales, d'hôtels particuliers. Il y en a extrêmement peu. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une déperdition naturelle, si vous voulez, mais surtout parce que la propriété a énormément de mal à se transmettre de génération en génération, puisque le système est là pour éviter ce genre de transfert, pour éviter le développement de petites dynasties aristocratiques, si vous voulez, dans la province ou alors au centre même de l'Empire. Et par conséquent, lorsque vous visitez Istanbul et qu'on vous montre un palais en vous disant c'est le palais de Naime Sultan ou je ne sais quoi, une femme de la dynastie, vous pouvez être sûr que ce palais, s'il existait avant, avait appartenu à une de ses cousines, à une de ses tantes, à quelqu'un qui avait donné son nom à ce palais et qui, en mourant, avait cédé en quelque sorte cette propriété à la caisse commune, au trésor commun de la dynastie, pour être recyclé. C'est du recyclage. Donc, il y a extrêmement peu d'exemples que vous pouvez donner d'une propriété qui ait été transmise de génération en génération, disons du XVIe, du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. C'est rarissime. Il y en a, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle. Par conséquent, la saisie est en quelque sorte, le recyclage, si vous voulez, la saisie douce, le fait que tout revient à la caisse, au trésor impérial, et peut être ensuite redistribué, c'est un système économique qui vous permet de fonctionner avec relativement peu de capital. Mais c'est bien sûr aussi un instrument politique. Lorsque quelqu'un tombe politiquement, il sera saisi. Et la saisie sera tellement violente, en fait, que tous ceux qui gravitent autour de l'individu qui a chu, tous ceux qui gravitent autour de lui vont eux aussi être inquiétés et probablement saisis. Le cas typique au XVIIIe siècle, par exemple, ce sont les sarrafs, les banquiers arméniens, dont la fonction première et la plus rémunératrice est de financer les carrières politiques de certains dignitaires. Lorsque ce dignitaire tombe, le sarraf tombe avec lui. Et l'État, le sultan, le trésor impérial, va saisir la propriété de ces individus. C'est comme ça qu'il se nourrit, en quelque sorte, des richesses qui sont distribuées. Donc, il y a énormément de recyclage pour tout. Lisez, par exemple, Evliya Çelebi. Vous verrez comment on se passe des bourses d'argent de main en main sans jamais vraiment les ouvrir. On se rend compte que, de même que les pelisses d'honneur, ces fourrures, etc., elles sont sans cesse recyclées. C'est une sorte de capital tournant qui permet d'alimenter la machine sans vraiment avoir besoin d'accroître les capacités financières de l'Empire au-delà de ses moyens. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Ethem Aldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » dans les années 1820-1830. Aujourd'hui, images, symboles, réformes vers les bases d'un État moderne. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Ethem Aldem. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Un grand merci à Antoine Villose de la Discothèque et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Collaboratrice, Claude Lanon. Demain, Ethem Aldem achèvera son analyse de la question des bases d'un État moderne sous le règne de Mahmoud II. Belle journée à l'écoute de France Culture.